16 mai, ici Dominique Lelièvre et vos informations. Le gouvernement du Québec injecte 53 millions de dollars dans les écoles de la région de la capitale nationale. C'est deux fois plus que les investissements de l'année dernière. L'argent servira principalement à entretenir et rénover les écoles primaires et secondaires du réseau public. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Éducation Sébastien Proulx ce matin, de passage à l'école Saint-Yves dans le secteur de Sainte-Foy où la toiture sera refaite. Un exemple parmi d'autres sur les 185 projets qui seront réalisés au cours des prochains mois dans la région. La part du lion ira à la commission scolaire de la capitale qui percevra plus de la moitié des sommes avec un total de 107 projets. Les conseils de quartier de la Ville de Québec réitèrent leur opposition au projet de loi 122 sur l'autonomie municipale qui prévoit notamment le retrait du processus référendaire. Le front composé de 25 conseils de quartier va plus loin et demande la bonification du droit au référendum. Il demande en plus la participation d'un organisme citoyen dans le comité de travail chargé de guider le ministre des Affaires municipales. Le regroupement souligne que la majorité des organismes qui se sont prononcés en commission parlementaire ont plaidé pour le maintien de ce recours citoyen. Le gouvernement provincial souhaite plutôt substituer les référendums à un processus de consultation publique amélioré. Le maire de Québec, Régis Labeaume, fait part de ses inquiétudes quant au fardeau que pourrait faire porter aux municipalités la légalisation du cannabis. Il réclame une redevance qui pourrait être perçue sur la taxe de vente. M. Labeaume estime que l'application de la loi fédérale risque de causer bien des maux de tête aux villes puisque c'est elles qui devront interpréter la législation et l'appliquer sur le terrain. Rappelons que le gouvernement Trudeau souhaite faire adopter cette loi d'ici l'été prochain. Enfin, Seine-Provinciale, le Parti québécois suspend son député de Gaspé, Gaétan Lelièvre, seulement quelques heures après la publication d'un reportage incriminant. Le Journal de Québec a révélé que l'élu avait reçu des faveurs de la firme Génie Conseil Roche à la fin des années 2000 alors qu'il était directeur général de la ville de Gaspé. M. Lelièvre aurait admis les faits au procureur de la commission Charbonneau, mais il aurait omis d'en informer la direction de son parti. Il siégera désormais comme indépendant le temps que toute la lumière soit faite sur ces allégations. L'élu a tenu à présenter ses excuses aux citoyens de son comté et à sa famille politique. Printemps, été, automne, hiver, météo. C'est une très belle journée aujourd'hui à Québec avec un maximum atteint de 19 degrés aujourd'hui. Ce sera très ensoleillé également. Demain, mercredi, encore plus chaud, 24 degrés comme maximum. Cependant, on prévoit 30% de probabilité d'averse demain, mercredi. Jeudi, 60% de possibilité d'averse de pluie avec un maximum très élevé de 26 degrés présentement à Québec. Eh bien, c'est généralement ensoleillé. Il fait 19 degrés.